Section 33. De Essais sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Troisième discours, première partie. Étude troisième ou troisième discours sur la chute de l'Empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares. Première partie. De Valentinien Ier et Valence à Gratien et à Théodose Ier. Pour éviter la confusion des sujets, vous aimerez mieux voir séparément ce qui se passait aux empires d'Orient et d'Occident sans toutefois perdre de vue leur connexité et ce qu'il y avait de commun dans les événements, les mœurs et les lois des deux grandes divisions du monde romain. L'Occident dévolu à Valentinien comprenait l'Illyrie, l'Italie, les Gaules, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Afrique. L'Orient, laissé à Valence, embrassait l'Asie, l'Égypte, la Thrace et la Grèce. La résidence particulière de Valentinien était à Milan, celle de Valence à Constantinople, mais les deux empereurs se transportaient là où leur présence était nécessaire. Dans l'Occident, Valentinien eut à combattre les Alamans qui se jetèrent sur la Gaule et il fortifia de nouveau la ligne du Rhin. On voit paraître les Bourguignons, issus des Vandales, qui habitaient les bords de l'Elbe. Leur roi était connu sous le nom générique d'Andinos et leur grand prêtre sous celui de Sinistus. Ennemis des Alamans, les Bourguignons s'allièrent avec Valentinien et s'engagèrent à lui fournir une armée de 80 000 hommes. Les Saxons et les Francs reparurent sur les côtes de la Gaule et de la Grande-Bretagne. Les Pictes et les Scots désolèrent cette dernière province. Théodose, général de Valentinien, les refoula au fond de la Calédonie. Les peuples de la Gétulie, de la Numidie et de la Mauritanie ravagèrent l'Afrique. Théodose fut envoyé pour les repousser et punir l'avidité de Romanus, commandant militaire de cette province. Il réussit dans la première partie de sa mission. Valence et Valentinien poursuivirent avec toute la rigueur des lois romaines leurs sujets accusés de magie. Les victimes furent nombreuses à Rome et à Antioche. Maxime, si fameux sous Julien, et d'autres philosophes succombèrent. Jean Blic s'empoisonna. Libanius échappa avec peine à l'accusation. Valence était tyran par faiblesse, Valentinien par colère. Deux ours, l'histoire en dit le nom, Inoffensive et Paillette Dorée, avaient leur loge auprès de la chambre à coucher de Valentinien. Ils les nourrissaient de chair humaine. Inoffensive, bien méritante, fut rendue à ses forêts. L'empereur d'Occident gâtait de grandes qualités par un tempérament cruel. Il ordonnait le feu pour les moindres fautes. Milan eut des victimes qui prirent de leur injuste condamnation le nom d'innocents. Tout débiteur insolvable était mis à mort. Le prévenu récusait-il un juge, c'était à ce juge qu'on le renvoyait. Vous êtes frappé de cet arbitraire de supplice qui souille les annales de Rome. Le genre de peine à appliquer semble abandonné aux caprices des magistrats et des particuliers. La loi criminelle chez les Romains était fort inférieure à la loi civile. Nous ne faisons pas assez d'attention aux améliorations évidemment apportées dans les lois par la mansuétude du Christ. Accoutumés que nous sommes à lire des faits atroces, quand nous voyons des hommes déchirés avec des ongles de fer, exposés nus et frottés de miel à la piqûre des mouches, torturés comme les prisonniers de guerre des Iroquois par l'ordre d'un juge ou la vengeance d'un simple créancier, nous ne nous demandons pas comment cela arrivait chez les nations civilisées de l'Ancien Monde, et comment cela n'arrive plus chez les nations civilisées du monde moderne. Le progrès si lent de la société ne suffit pas pour rendre compte de ces changements. Il faut reconnaître une cause plus prompte, plus efficace, plus générale. Cette cause est l'esprit du christianisme. Le sang des empereurs païens se retrouve dans les cruautés de Valentinien. Le caractère des empereurs chrétiens dans les lois qui ordonnent des médecins pour les pauvres et qui défendent l'exposition des enfants, honneur à la bénignité évangélique à qui l'on doit l'abolition d'une coutume qu'autorisaient les législations les plus fameuses de l'Antiquité. Parmi les lois de Valence et de Valentinien, je dois vous signaler encore l'institution des écoles, modèle de nos universités. L'éducation publique expira avec la liberté publique. Les collèges modernes eurent leur origine lointaine dans les siècles de décadence et d'esclavage de l'Empire romain. Valentinien donna aux villes des défenseurs officieux, sorte de magistrats élus par le peuple. D'où il arriva que les églises, devenues des espèces de municipes, eurent à leur tour des défenseurs qui se transformèrent en champions dans le Moyen-Âge. La liberté politique s'était changée en privilège de bourgeoisie. On voit partout les empereurs adresser des lettres et des rescrits aux communes des diverses provinces de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. En suivant la série des institutions, le code à la main, on remarque, avec une admiration reconnaissante, que le travail des princes chrétiens tend surtout à l'adoucissement des inflictions criminelles et à la réforme des mœurs. Les enfants des suppliciés retrouvent les biens paternels. Des règlements améliorent le sort des pauvres et des esclaves, multiplient les cas de liberté. Les vices abominables chantés par les poètes et protégés des magistrats sont punis. En un mot, c'est dans le recueil des lois romaines qu'il faut chercher la véritable histoire du christianisme, bien plus que dans les fastes de l'Empire. Valentinien accorda le libre exercice du culte à ses sujets et ne prit aucun parti dans les querelles religieuses. Il se crut d'autant plus autorisé à cette tolérance qu'il s'était montré chrétien indépendant sous Julien. Cependant, il défendit aux païens les sacrifices et les assemblées aux manichéens et aux donatistes. Il mit aussi des bornes à l'accroissement des richesses de l'Église et à la multiplication des ordres monastiques. Il fut défendu au clergé d'admettre à la cléricature les propriétaires hommes du peuple et les décurions des villes, à moins que ceux-ci n'abandonnassent leurs biens ou à la municipalité dont ils étaient membres ou à quelques-uns de leurs parents. Il fut également défendu au même clergé d'accepter des legs testamentaires. Déjà le pouvoir et la fortune avaient amené la corruption. Damas disputa le siège de Rome à Ursin. On en vint aux mains. 137 morts furent trouvés le matin dans la basilique de Sicinius, aujourd'hui Sainte-Marie-Majeure. Valentinien avait eu de sa première femme, Sévéran, un fils nommé Gratien, qu'il éleva à Amiens le 24 août 367 au rang d'Auguste, sans le créer d'abord César, selon l'usage. On a cherché la raison de cette innovation, elle est évidente. Il y avait maintenant deux empires. Gratien, âgé de 8 ans, n'était plus un César ou un général nommé pour défendre une partie de l'État. C'était un héritier qui devait succéder à la souveraineté de son père. Valentinien répudia Sévéran et épousa Justine, sicilienne d'origine. Elle aurait, selon Sosime, été mariée d'abord au tyran Magnence. Justine était arienne, mais elle ne déclara son hérésie qu'après la mort de Valentinien. Elle donna à l'empereur un fils qui fut Valentinien II et 3 filles, Justa, Grata et Galla. Celle-ci devint la seconde femme de Théodose le Grand. Les Cades et les Sarmates, justement irrités de la trahison des Romains, qui après avoir attiré leur roi Gabinus à une entrevue, l'avaient massacré, ravageaient l'Illyrie. Valentinien accourt avec les forces de la Gaule. Il meurt subitement à Bergétion, d'un accès de colère, dans une audience qu'il donnait aux députés des Cades suppliants. Malobo ou Mélobo, chef d'une tribu de Francs, avait obtenu un commandement sous Valentinien et s'était distingué par ses gestes militaires. À la mort de l'empereur, il entreprit, avec Equitius, comte d'Illyrie, de faire prévaloir les droits de Valentinien, fils de Justine, sur ceux de Gratien, fils de Sévéran. Valentinien II fut en effet proclamé empereur, mais son frère Gratien, déjà auguste, au lieu de s'en offenser, reconnut l'élection. Valentinien eut dans son partage l'Italie, l'Illyrie et l'Afrique. Gratien garda les Gaules, l'Espagne et l'Angleterre, peut-être même n'y eut-il pas de véritable partage. Ce qu'il y a de certain, c'est que Gratien gouverna seul l'Occident jusqu'à sa mort, Valentinien n'étant encore qu'un enfant sous la tutelle de sa mère. Valence n'approuvait pas ces arrangements paisibles entre ses jeunes neveux, mais les mouvements des Goths arrêtèrent son intervention dans des affaires d'une moindre importance. Mis en possession de l'Empire d'Orient par Valentinien Ier, Valence avait eu, dès les premiers jours de son règne, des épreuves à subir. Procope, commandant de l'armée de Mésopotamie, prit la pourpre dans Constantinople même par l'autorité de deux cohortes gauloises. Voulant légitimer son usurpation, il épousa Faustine, veuve de l'empereur Constance. Elle avait une fille âgée de 5 ans, dans laquelle les légions voyaient le dernier rejeton de la race de Constantin. La révolte de Procope dura peu, ses soldats l'abandonnèrent à la voix de leur capitaine, qui gardèrent leur foi. Procope, trahi, fut traîné au camp de l'empereur d'Orient et décapité. Valence soutint faiblement contre sa port les rois d'Arménie et d'Ibérie. On remarque dans cette guerre les aventures de Para, roi d'Arménie, monarque fugitif comme tant d'autres, protégé d'abord des Romains, ensuite égorgé par eux dans un repas. Les Goths, restés fidèles à la famille de Constantin, s'étaient déclarés contre Valence en faveur de Procope, mari de la veuve de Constance. Valence remporta quelques avantages sur ses barbares, une paix fut le résultat de ces avantages, et 6 ans après, les Huns précipitèrent les Goths sur l'Empire. L'arianisme était la religion de Valence. Il persécuta les catholiques, qu'il appelait les Athanasiens. Saint Basile était devenu leur chef après la mort de Saint Athanase. À ce grand homme de solitude et de charité est due la fondation du premier de ces monuments élevés aux misères humaines, monuments qui font la gloire éternelle du christianisme. Les moines, presque tous catholiques, s'étaient accrus par l'esprit et le malheur de leur temps. Valence les fit enlever à main armée. On les força de s'enrôler dans les légions, et quand ils résistèrent, on les massacra. Nous arrivons au fameux événement qui hâta la chute de l'Ancien Monde. Depuis leurs expéditions maritimes, les Goths, en paix avec les Romains, s'étaient multipliés dans les forêts. Ils avaient assujetté autour d'eux les autres peuplades barbares. Hermanric, roi des Ostrogoths et de la noble race des Amalies, devint conquérant à l'âge de 80 ans. À 110 ans, il allait encore au combat et restait le seul contemporain de sa gloire. Il conquit les Hérules et les Vénèdes. Sa puissance s'étendait dans les bois et sur les hordes des bois, du pont Euxin, de la Baltique, derrière les tribus saxonnes, alamanes, franques, bourguignonnes et lombardes, plus rapprochées des rives du Rhin. Le Danube séparait l'empire sauvage des Goths de l'empire civilisé des Romains. Les Visigoths, réunis aux Ostrogoths, leur avaient cédé la prééminence. Leurs chefs, parmi lesquels se distinguaient Athanaric, Fritigerne et Alavius, avaient quitté le nom de roi pour descendre ou pour monter à celui de juge. Telles étaient devenues les nations gothiques aux frontières de l'Empire d'Orient, lorsque tout à coup un bruit se répand. On raconte qu'une race inconnue a traversé les Palus Méotides. La présence des Huns fut annoncée par un tremblement de terre qui secoua presque tout le sol du monde romain et fit pencher sur la tête d'Hermanric sa couronne séculaire. Les Huns était la dernière grande nation mandée à la destruction de Rome. Les autres nations avaient fait une halte pour les attendre, ils venaient de loin, à peine avait-il paru qu'on entendit parler des Lombards, dernier flot de cet océan. Un nouveau système historique fait descendre les Huns des peuples ouralo-finnois. Dans ce système, fondé sur une meilleure critique, une connaissance plus avancée des peuples et des langues de l'Asie et de l'Europe septentrionale, on suit cependant avec moins de facilité la marche et les progrès des soldats futurs d'Attila. Dans l'ancien système que Gibbon a adopté, il est plus aisé de se reconnaître. En rejetant de la primitive monarchie des Huns la partie confuse et romanesque, laissant de côté ce qu'ont pu faire ou ne pas faire les Huns au nord de la muraille de la Chine, 1210 ans avant l'ère vulgaire, négligeant leur invasion de la Chine, leur défaite par l'empereur Voulet, de la dynastie des Huns, on trouve qu'au temps de la mission du Christ, 2 divisions des Huns s'avancèrent dans l'Occident, l'une vers l'Oxus, l'autre vers le Volga. Celle-ci se fixa au bord oriental de la mer Caspienne et fut connue sous le nom des Huns blancs. Ils eurent de fréquents démêlés avec les Perses. L'autre division des Huns pénétra avec difficulté au Volga, conserva ses mœurs en augmentant sa force par des alliances volontaires, des adjonctions de peuples conquis et par l'habitude des combats. Cette division subjuga les Alains. La plus grande partie des vaincus entra dans les rangs des vainqueurs, tandis qu'une colonie indépendante des premiers alla se mêler aux races germaniques et s'associer à leur guerre contre l'Empire. Les Huns parurent effroyables aux barbares eux-mêmes. Quand ils eurent franchi les Palus Méotides, ils se trouvèrent en présence des tributaires de la puissance d'Hermenric. Les deux monarchies des Huns et des Goths, l'une composée de sauvages à cheval, l'autre de sauvages à pied, c'est-à-dire les deux races Scythes et Tartares, se heurtèrent. Les Goths étaient divisés. Hermenric, abusant du pouvoir, avait fait écarteler la femme d'un chef roxolan qui s'était retiré de lui. Les frères de cette femme la vengèrent en poignardant Hermenric, vainement cuirassé d'un siècle, et à qui 110 années avait encore laissé du sang dans le cœur. Il ne resta pas sous le coup. Balamir, roi des Huns, profita de cet événement. Il attaqua les Ostrogoths qui furent abandonnés des Visigoths. Hermenric, impatient de la douleur que lui causait sa blessure et encore plus tourmenté de la ruine de son empire, mit fin à des jours que la mort avait oubliés. Vitimer, chargé après lui du gouvernement, en vint avec les Huns et les Alains à une bataille dans laquelle il fut tué. Saphrax et Alataus sauvèrent le jeune roi des Ostrogoths, Vitéric, et conduisirent les débris indépendants de leurs compatriotes sur les bords du Niester. Cependant, les Visigoths, séparés des Ostrogoths, s'étaient retirés chez les Gépides, leurs alliés. Ils y furent poursuivis par les Huns. Un corps de cavalerie tartare passa le Niester à gué pendant la nuit, au clair de la lune. Athanaric, juge des Visigoths, qui défendait les bords de la rivière, parvint à gagner des hauteurs avec son armée. Il s'y voulait fortifier, mais les Visigoths se précipitent vers le Danube, envoient des ambassadeurs à Valence et le conjurent de leur accorder la Mésie inférieure pour asile. Ils offraient d'embrasser la religion chrétienne. Valence, dit Jornandès, dépêcha des évêques hérésiarques aux Visigoths et fit de ses suppliants des sectateurs d'Arius au lieu de disciples de Jésus-Christ. Les Visigoths communiquèrent le venin aux Gépides, leurs hôtes, aux Ostrogoths, leurs frères. Ils se répandirent dans la Dacie, la Thrace, la Mésie supérieure, et tous les Goths se trouvèrent à rien. L'historien se trompe. Tous les Goths, sans doute, n'étaient pas encore chrétiens en 376, mais ils avaient déjà reçu les semences de la foi. Théophile, au concile de Nicée, est appelé l'évêque des Goths. Ceux-ci avaient un petit sanctuaire catholique à Constantinople. Vers l'an 325, Odius, chef d'un schisme, fut banni par Constantin en Scythie. Il pénétra chez les Goths, y prêcha l'évangile et établit dans leur pays des vierges, des ascètes et des monastères. Les Goths même avaient exercé de grandes cruautés dans la persécution arienne de 372, et ce fut le célèbre évêque Ulfilas que ce peuple fugitif députa en 376 à Constantinople. Fritigerne et Alavivus commandaient les Visigoths qui tendaient les mains à Valence. Athanaric, suivi de quelques compagnons, ne voulut point paraître sur les terres de l'Empire en qualité de parjure ou de suppliant et se retira dans les forêts de la Transylvanie. Valence, bigot sectaire, se croyait un profond politique. Il acquiesça à la demande des Visigoths. Il se félicitait de cantonner sur les frontières de ses États des guerriers qui promettaient de le défendre et de se faire à rien. Il les voulut tous, même ceux qui pouvaient être attaqués d'une maladie mortelle, mais il attacha deux conditions à son bienfait. Les Visigoths eurent ordre de livrer leurs enfants et leurs armes, leurs enfants comme otages et leurs armes comme vaincus. Et Valence prétendait que ses bras désarmés se lèveraient pour protéger sa tête. Les Visigoths se soumirent. Le Danube était enflé par les pluies. On assembla une multitude de barques, de radeaux, de troncs d'arbres creusés, et l'on vit, par la permission de Dieu, les Romains occupés nuit et jour à transporter dans l'Empire les destructeurs de l'Empire. Des commissaires désignés à cet effet essayèrent de compter les barbares à leur passage d'une rive du Danube à l'autre, mais ils furent obligés de renoncer au dénombrement. Amiens Marcellin, citant deux vers de Virgile, prétend qu'on aurait plutôt compté les sables que le vent du midi soulève sur les rivages de la Libye. Une évaluation moins poétique porte l'émigration des Visigoths à 1 million d'individus. Les enfants mâles des familles les plus distinguées furent séparés de leurs pères, on les distribua dans différentes provinces. les habitants de ces provinces étaient étonnés des brillantes parures et de la beauté martiale des jeunes exilés. Quant aux armes, elles ne furent point livrées. Les Visigoths arrivaient avec les tribus qu'ils avaient jadis reçues et les anciennes richesses qu'ils avaient enlevées aux Romains. On les crut opulents parce qu'ils étaient chargés de dépouilles. Pour garder du fer, ils soulèrent la cupidité des officiers de Valence avec des tapis, des tissus précieux, des esclaves et des troupeaux. À ceux qui préférèrent un autre lucre, ils prostituèrent leurs filles. Ils vendirent leur honneur pour acheter un empire, sûrs qu'avec leurs épées, ils feraient bientôt passer les filles des Césars dans le lit des Goths. Les Ostrogoths, conduits par Saphrax et Alataeus, qui avaient sauvé Vitéric, se présentèrent à leur tour sur la rive septentrionale du Danube et sollicitèrent inutilement la faveur obtenue par leurs compatriotes. La peur commençait chez les Romains. Les Visigoths s'avancèrent dans les Thraces. On s'était chargé de les nourrir, on ne les nourrit point. On leur fournit de la chair infecte de chiens et d'autres animaux morts de maladie. Un pain coûtait un esclave, un agneau 6 livres d'argent. Après leurs esclaves, ils n'eurent plus à livrer que le reste de leurs enfants. On fit, parce qu'enfin Rome devait périr, d'un 1 000 000 d'alliés, 1 000 000 d'opprimés. La reconnaissance finit où l'injustice commence. Les Ostrogoths, cessant de prier, passèrent le Danube et se trouvèrent ennemis et indépendants sur le territoire romain. Fritigerne, chef des Visigoths, forma des liaisons secrètes avec les nouveaux émigrants et s'efforça de réunir les Goths dans le même intérêt. Maxime et Lupicinus, généraux de Valence, avaient alors le commandement dans les Thraces. Ils étaient, par leur avarice et leur faiblesse, la première cause de tous ces malheurs. La discorde éclata à Marcianopolis, capitale de la Basse-Mésie, à 70 000 du Danube. Lupicinus avait invité les chefs des Goths à un repas, dans le dessein de les faire assassiner. Les gardes de ces chefs, restés aux portes de la ville, se prirent de querelles avec les soldats romains. Leurs clameurs pénétrèrent jusqu'à la salle du festin. Fritigerne et ses amis tirent leurs épées, s'ouvrent un passage à travers la foule, sortent de la ville et ont le bonheur d'échapper. « Ce jour-là, dit Jornandès, ôta la fin aux Goths et la sûreté aux Romains. Les premiers ne se regardèrent plus comme des vagabonds et des étrangers, mais comme des citoyens et comme des seigneurs de l'Empire. » Lupicinus, se fiant à la discipline des légions et à la supériorité de leurs armes, attaqua les Goths. Ceux-ci, déployant leurs bannières, firent entendre le lamentable son de cette corne célèbre dans le récit de leur combat et à la ronflée de laquelle devait s'écrouler le Capitole. Les Romains furent vaincus. Une troupe de Goths, avant la migration générale de ces peuples, était entrée au service de Valence, sous la conduite de Suéride et de Colias. Attaquée par les habitants mutinés d'Andrinople, elle les repoussa et alla rejoindre le grand corps de ses compatriotes. Fritigerne franchit l'Hémus et mit le siège devant Andrinople, qu'il ne put prendre. Les ouvriers employés aux mines du Rhodope se révoltent, se réfugient chez les barbares et leur servent ensuite de guide aux réduits les plus secrets des Romains. Les Goths délivrent leurs enfants captifs, qu'ils leur racontent ce qu'ils ont à souffrir de la lubricité et de la cruauté de leur maître. Une partie des Huns et des Alains font alliance avec les Goths. Alors Valence songe à porter remède au mal qu'il avait fait. Il retire les légions d'Arménie et demande des secours au jeune empereur Gratien, qui venait de succéder à Valentinien, son père. Richomer, comte des domestiques, est dépêché à Valence avec les légions gauloises. Une première armée romaine sous les ordres de Trajan et Profutorus s'approcha des Visigoths campés vers l'embouchure méridionale du Danube, à 60 000 au nord de Thaume, exil d'un poète. Fritigerne fait élever des feux pour rappeler ses bandes répandues dans le plat pays. Les Visigoths se lient d'un serment terrible et entonnent les chants à la gloire de leurs aïeux. Les Romains y répondirent par le baritus, cri militaire commencé presque à voix basse, allant toujours grossissant et finissant par une explosion effroyable. La bataille de Salis, qui a pris son nom des arbres paisibles sous lesquels elle fut donnée, dura la journée entière et la victoire resta indécise. Les Visigoths rentrèrent dans leur camp, les Romains n'osèrent renouveler le combat et résolurent d'enfermer les barbares dans ce coin de terre entre le Danube, la mer Noire et le mont Hémus. les Ostrogoths et le parti des Huns et des Alains, avec lequel Fritigerne s'était ménagé une alliance, les dégagèrent. Valence, suspendant sa guerre contre les moines, partit enfin d'Antioche avec une seconde armée. Arrivé à Constantinople, il maltraita le général Trajan, ami de Saint-Basile. Au bout de quelques jours, il sortit de la capitale de l'Orient, chassé par le mépris populaire et les clameurs de la foule qui le pressaient de marcher à d'autres ennemis. Le moine Isaac sort de sa cellule, voisine des chemins où passait l'empereur. Il s'avance au-devant de lui et lui crie « Où vas-tu ? Tu as fait la guerre à Dieu, il n'est plus pour toi. Cesse ton impiété, ou ni toi ni ton armée ne reviendront. » L'empereur dit « Qu'on le mette en prison. Faux prophète, je reviendrai et je te ferai mourir. » Isaac répondit « Fais-moi mourir si tu me trouves en mensonge. » Le moine chrétien remplaçait le philosophe cynique, il n'en différait que par les mœurs. Les Goths, après avoir encore une fois saccagé la Thrace et franchi l'Emus, inondaient les environs d'Andrinople. Frigéride, général de Gratien, avait défait quelques alliés des Goths, entre autres les Taïphales, barbares débauchés, dont les prisonniers furent transportés sur les terres abandonnées de Parme et de Modène. Sébastien, maître général de l'infanterie de Valence, s'était occupé à rétablir la discipline dans un corps particulier. Ce corps avait eu l'avantage sur un nombreux parti d'ennemis. Enivré de ses succès, Valence s'apprête à triompher des peuples gothiques et s'établit dans un camp fortifié sous les murs d'Andrinople. Richomer, accouru de l'Occident, vient annoncer à Valence que son neveu, vainqueur des Alamans, s'avance pour le soutenir. En même temps, un évêque envoyé par Fritigerne, politique aussi rusé que général habile, se présente chargé d'humbles paroles et de soumission. Il proteste publiquement de la fidélité des Goths qui, selon lui, ne demandent qu'à paître leurs troupeaux dans la Thrace déserte. Mais par des lettres secrètes, Fritigerne presse l'empereur de marcher, l'assurant que la seule terreur de son nom obligera les Goths à se soumettre. Valence, jaloux de la renommée de Gratien, ne veut point attendre un jeune prince qui pourrait ravir ou partager l'honneur de la victoire. Il lève son camp le 9e d'août, l'an 378. Le trésor militaire et les ornements impériaux furent laissés dans Andrinople. À 8 000 de cette ville, on découvrit rangés en cercle les chariots des barbares. Les Romains firent tristement leurs dispositions militaires aux lugubres clameurs des Goths. Les Goths, pareillement étonnés du bruit des armes et du retentissement des boucliers que frappaient les légionnaires, envoyèrent proposer la paix. Leur cavalerie, sous la conduite d'Alatheus et de Saphrax, n'était point encore arrivée. Valence s'obstine à ne vouloir entendre que des négociateurs d'un rang élevé. Le soldat romain s'épuise sous la chaleur du jour qu'augmentait un vaste embrasement. Le feu avait été mis aux herbes et aux bois desséchés des campagnes. Fritigerne demande à son tour pour traiter un homme de distinction. Richomer s'offre et part du consentement de Valence, à qui le cœur commençait à faillir. À peine approchait-il des retranchements ennemis que les sagittaires et les scutaires engagent le combat. La cavalerie des Goths revenait alors renforcée d'un corps d'Alains. Sans laisser le temps à Richomer de remplir sa mission, elle se précipite sur les troupes impériales. Les deux armées se choquèrent ainsi que des proues de vaisseaux, dit Amiens. L'aile gauche des légions poussa jusqu'au chariot, mais, abandonnée de sa cavalerie, elle fut accablée sous le nombre des barbares qui tombèrent sur elle comme un énorme éboulement de terre. Les soldats romains s'arrêtent. Serrés les uns contre les autres, ils manquent d'espace pour tirer l'épée. Jamais plus grand danger ne menaça leur tête sous un ciel où la splendeur du jour était éteinte. Dans ce chaos, Valence, saisie de frayeur, saute par-dessus des monceaux de morts et se réfugie dans les rangs des lanciers et des martyrs qui se défendaient encore. Les généraux Trajan et Victor cherchent vainement la réserve formée des soldats bataves. Les chemins étaient obstrués des cadavres des chevaux et des hommes. L'empereur, à l'approche de la nuit, fut tué d'une flèche. D'autres disent qu'il fut porté, blessé, avec quelques eunuques, dans la maison d'un paysan. Les Goths survinrent, trouvant cette maison barricadée et ignorant qui elle renfermait, ils l'incendièrent. Valence périt au milieu des flammes. Il fut brûlé avec une pompe royale, dit Jornandès, par ceux qui lui avaient demandé la vraie foi, et qu'il avait trompé leur donnant le feu de la géhenne au lieu du feu de la charité. Les deux généraux Trajan et Sébastien, Valérien, grand écuyer, Equitius, maire du palais, Potentius, tribun des Promus, 35 autres tribuns et les deux tiers de l'armée romaine restèrent sur la place. Selon l'auteur déjà cité, l'histoire n'offre point de bataille où le carnage ait été aussi grand, excepté celle de Cannes. Les Gaules livrèrent l'assaut à Andrinople qu'ils manquèrent. Descendus jusqu'à Constantinople, ils admirèrent les édifices pyramidants au-dessus des murailles qui mettaient la ville à l'abri. Leur destin fut de voir Constantinople et de prendre Rome. Entre ces deux bornes, le monde civilisé était la lice ouverte à leur course. Épouvantés de l'action d'un sarrasin, ils rebroussèrent vers Limousse, forcèrent le pas de Suc et se répandirent sur un pays fertile jusqu'au pied des Alpes juliennes. Les lieux d'où s'était écoulée cette multitude n'offrirent plus que l'aspect d'une grève déserte et ravagée quand le flux qui avait apporté des tempêtes et des vaisseaux s'est retiré. Libanius composa l'oraison funèbre de Valence et de son armée. Les pluies du ciel ont effacé le sang de nos soldats, mais leurs ossements blanchis sont restés, témoins plus durables de leur courage. L'empereur lui-même tomba à la tête des Romains. N'amputons pas la victoire aux barbares. La colère des dieux est la seule cause de nos malheurs. Libanius se souvenait de Julien. Amiens, qui termine son ouvrage à la mort de Valence, cherche à rassurer les Romains sur les succès des Goths. Il rappelle les différentes invasions des barbares depuis celle des Cimbres, afin de prouver qu'elles n'ont jamais réussi. Cette digression de l'historien montre mieux que tout ce que je ne pourrais dire la frayeur des peuples et les pressentiments de l'avenir. Ce même Amiens raconte, et ce sont presque les dernières lignes de ce soldat grec de la ville d'Antioche, qui écrivait en latin ses souvenirs dans la ville de Rome, ce même Amiens raconte que le duc Julien, commandant au-delà du Taurus, ordonna par lettre secrète de massacrer à jour fixe et à heure marquée les Goths dispersés dans les provinces de l'Asie. Par ce prudent artifice, l'Orient fut délivré sans bruit et sans combat d'un grand danger. La leçon venait de Mithridate, elle ne profita ni au royaume de Pont ni à l'Empire romain. Gratien vengea mieux Valence en élevant à la pourpre Théodose. Fin de la section 33.